Anastasia, debout! Il est l'heure! Dépêche! Cria Héléna sans ménagement. Il faisait encore nuit. Avec difficulté, Anna s'extirpa de son rêve, bâilla et revint dans la réalité bien plus moche de sa vie quotidienne. Elle n'avait pas le choix, c'était ainsi. Le jour de marché hebdomadaire, il leur incombait à sa mère et à elle d'aller ouvrir leur minuscule étal pour y vendre leurs légumes, des œufs, un peu de fromage de chèvre, des fruits des bois et des fagots. Le village dans lequel elles devaient se rendre se situait à environ 8 km de leur masure, plus haut dans la montagne. L'unique occasion de la semaine de gagner quelques sous pour toute la maisonnée, parce que justement, le village du haut comptait sur ceux du milieu et le village du bas pour les approvisionner. Anna n'avait besoin d'aucune instruction supplémentaire. Elle connaissait parfaitement tous les préparatifs et les tâches à exécuter avant leur départ. Elle se lava la frimousse dans le baquet et ingurgita une tasse de lait de chèvre, un quignon de pain un peu rassis, et ce serait tout. Tout ce qui était consommable allait partir vers d'autres estomacs. Son père et un de ses frères étaient déjà partis pour travailler au potager, nourrir leurs poules, la chèvre et les lapins avec des fannes coupées, les déchets du potager et toutes sortes de graines sauvages, des pissenlits qu'il trouvait aux alentours. Elle enfila sa salopette, usée mais convenable, son pull rouge et un foulard à fleurs pour nouer ses longs cheveux de jais, et sortit. Direction un auvent de bois, un peu branlant, habitant Nan, son brave et courageux petit âne. Elle entreprit de mettre son bas et sa longe. Tiens! Nan était capricieux aujourd'hui. La poussant de sa bedaine, il la coinça malicieusement contre le panneau. Anna s'en voulut un peu, mais pas trop. Elle aurait dû le sortir avant de l'harnacher. Ah, se dit-elle, je le comprends. Lui non plus, il n'a pas trop envie de se réveiller si tôt pour travailler. Elle cassa un bout de carotte pour le lui donner, en espérant que sa mère ne remarque rien. Et Nan, content, se laissa enfin faire. Elle le couvrit de sa vieille couverture matelassée et avec effort souleva le bas qui finit par atterrir convenablement sur le dos de l'animal. Elle arrima ensuite cageot et panier en prenant bien soin d'équilibrer les deux côtés. Puis les fagots et l'étal finirent de donner à Nan une allure bizarre de dromadaire à courtes pattes. Depuis qu'elle était devenue suffisamment grande et forte pour le faire, sa mère lui avait confié cette tâche. Et après quelques épicratages ayant entraîné de sévères réprimandes, elle avait acquis expérience et maîtrise. Du haut de ses presque 11 ans, elle en tirait même quelque fierté. Elle se rappela la fois où elle n'avait pas suffisamment serré les sangles parce que Nan avait gonflé son ventre, et le bas s'était malencontreusement retrouvé tête en bas, avec pour effet désastreux de transformer les œufs en omelette involontaire. Et les tomates en purée. Pour terminer, elle lança la bâche par-dessus le tout pour mettre la précieuse cargaison à l'abri. Elle regarda son ouvrage et en fut satisfaite. Elle caressa le doux museau de son unique amie. Maman, j'ai fini, cria-t-elle par la porte entrouverte.